بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ها نحن في الدرس 21 في هذه السلسلة في تفسير كتاب الله تعالى. Nous commençons aujourd'hui le 21e cours dans cette série dans l'exégèse du livre d'Allah, le Très-Haut. ونبدأ اليوم سورة جديدة وهي سورة المطففين. On commence aujourd'hui une nouvelle sourate qui est sourate المطففين. وهذه السورة مدنية. Et cette sourate, elle est مدنية, c'est-à-dire donc qu'elle a été révélée durant la période durant laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam résidait à Médine. Allah le Très-Haut qui dit « Waylul lil mutaffifin » « Garde au mutaffifin » Je vais expliquer le mot « mutaffifun » par la suite, inshallah ta'ala. « Alladhina idha ktalu ala nasi yastawfun » Ce que lorsqu'ils achètent des gens, ils exigent leurs droits ou ils exigent la pleine mesure. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ Mais lorsqu'ils vendent aux gens ce qui est une certaine mesure ou un poids, alors ils diminuent. كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ الْكَيْلِ Donc c'est une mesure qui est utilisée. Ce n'est pas comme le poids. El wazn, le poids, la balance qu'on utilise pour connaître le poids d'un aliment. El keil, c'est ce qu'on va utiliser pour une certaine quantité. Le el keil nous donne une certaine quantité, ça ne nous donne pas un poids. Et donc, lorsqu'ils vont vendre, lorsqu'ils vont acheter, ils vont demander la pleine mesure. Mais lorsqu'ils vont vendre, ils vont diminuer. Est-ce que ceux-là n'ont pas la certitude qu'ils seront ressuscités? L'yawmin azim, pour un jour terrible. Yawma yakumu an-nasu li rabbil alamin. Le jour durant lequel les gens se tiendront devant le Seigneur de l'univers. Et donc la parole d'Allah le Très-Haut, وَيْلُوا لِلْمُطَفِّفِينَ Garde aux mutaffifoons. قال العلامة ابن العثيمين رحمه الله إن كلمة ويل ترد كثيرا في القرآن. Le cheikh, le très savant ابن العثيمين, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit que le mot ويل, il est très souvent cité dans le Coran. وَالْأَصَحُ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ الْعِلْمِ أنها كلمة وعيد يتوعد الله تعالى بها من خالف أمره. Et l'avis le plus juste des gens de science est que ce mot est une parole de menace que Allah Ta'ala utilise pour menacer ceux qui désobéissent à son ordre. أما المطففون فقد بين الله تعالى منهم في الآية الأخرى. En ce qui concerne el-mutaffifun, et donc garde au mutaffifun, en ce qui concerne le mot el-mutaffifun, alors Allah Ta'ala, il a expliqué ce qui est voulu par là dans les versets qui suivent. الَّذِينَ إِذَا كَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ Ceux que lorsqu'ils achètent des gens, demandent la pleine mesure. Mais lorsqu'ils vendent aux gens ce qui à une certaine mesure ou un poids, il diminue. Ay, alladhina idha ashtaraw shay'an yatlubuna haqqahum kamilan. C'est-à-dire ceux que lorsqu'ils achètent quelque chose, ils demandent leur droit entièrement. Mon droit, c'est que j'ai tant de kilos, donne-moi tant de kilos, ne me diminue pas de mon droit. Wa idha ba'u lin-nas yanqusuna al-wazn. Mais lorsqu'ils vendent aux gens, ils diminuent. Donc, il diminue le poids. فَهَاُولَا يُرِيدُونَ حَقَّهُمْ كَامِلًا وَلَا يُعْتُونَ النَّاسَ حُقُوقَهُمْ كَامِلَةً. Et donc ces gens-là, ils veulent leurs droits entièrement. Ils veulent pleinement leurs droits. Mais ils ne donnent pas aux gens leurs droits. قَالَ الْعَلَمَةُ إِبْنُ الْعُثَيْمِينَ رَحِمَهُ اللَّهِ. Le très savant Ibn al-Uthaymin, il dit, en commentant ce verset, il dit, وَهَذَا الْمِثَالِ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ هُوَ مِثَالِ فَيُقَاسُ عَلَيْهِ كُلَّمَا أَشْبَهَهُ فَكُلُّ مَنْ طَلَبَ حَقَّهُ كَامِلًا مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ وَمَنَعَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِ فَإِنَّهُ دَاخِلٌ فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ. Le Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il dit une très belle parole. Il dit, cet exemple que Allah Azza wa Jal a cité par le poids et El-Kayl, la mesure El-Kayl, c'est un exemple. C'est un exemple qu'Allah a cité. Et nous allons comparer à cet exemple tout ce qui lui ressemble. Est comparable à cela, tout ce qui lui ressemble. Toute personne qui demande pleinement son droit de celui qui a un devoir envers lui, mais que lui-même, il ne donne pas son droit aux gens, alors il rentre dans ce verset. Il rentre dans ce noble verset. Ensuite, le shir, il continue, qu'Allah lui fasse miséricorde, et il dit, « فَمَثَلًا الزَّوْجُ يُرِيدُ مِنْ زَوْجَتِهِ أَنْ تُعْتِيَهُ حَقَّهُ كَامِلًا وَلَا يَتَهَاوَنُ فِي شَيْءٍ مِنْ حَقِّهِ لَكِنَّهُ عِنْدَ أَدَاءِ حَقِّهَا يَتَهَاوَنُ وَلَا يُعْتِيهَا الَّذِي لَهَا. Subhanallah. Le cheikh, il nous dit, par exemple, l'époux, il veut de son épouse qu'elle lui donne pleinement son droit. Et il ne fait aucune concession concernant ses droits. L'époux, il veut que son épouse lui donne ses droits et ne fait aucune concession concernant ses droits à lui. Cependant, en ce qui concerne ses devoirs, c'est-à-dire en ce qui concerne les droits de son épouse, alors il est négligent et ne lui donne pas ses droits. Le cheikh il continue en disant « Wa ma akthara ma tashtaki an-nisaa min hadha al-tirazi min al-azwaj. » Il dit, et comme sont nombreuses les plaintes des femmes de cette catégorie d'époux, wal-iyadhu billah, حيث إن كثيرا من النساء يريد منها الزوج أن تقوم بحقه كاملا. Car certes, il y a beaucoup de femmes dont leurs époux veulent qu'elles leur donnent pleinement leurs droits. لكنه هو لا يعطيها حقها كاملا. Cependant, lui, il ne lui donne pas pleinement ses droits. ربما ينقص أكثر حقها من النفقة والعشرة بالمعروف. Le cheikh il continue en disant, ce n'est pas ma parole, attention, c'est pas la parole d'Abdul Karim. On va pas dire c'est ma parole, non, c'est la parole du cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Et il faut qu'on médite sur ça, parce que ça aussi c'est très répandu en France. Combien de questions, combien de plaintes nous viennent à chaque fois? Il faut qu'on médite. Le cheikh il nous dit, rahimahullah ta'ala, il nous dit, Il se peut donc que cet époux, il diminue la majorité des droits de cette femme. Il se peut qu'il diminue la majorité de ses droits, tels que la dépense, les droits dans les dépenses, qu'il doit dépenser pour elle, ou alors el ishra bil ma'ruf, le vivre ensemble de la bonne façon, et autre que cela. Ensuite, le cheikh, il nous dit, il continue. Inna dhulma an-nasi ashadd min dhulmi insani nafsahu fi haqqillah. Il nous dit, certes, l'injustice faite aux gens est plus grave que l'injustice que la personne se fait à elle-même concernant Allah, concernant le droit d'Allah. C'est-à-dire que l'injustice que tu vas faire à une personne, C'est bien plus grave que l'injustice que tu vas te faire à toi-même lorsque tu vas manquer à tes obligations, par exemple. Allah t'a rendu obligatoire la prière. Tu vas être négligent dans ta prière. Tu vas être négligent dans l'accomplissement du pèlerinage ou autre. Le fait que tu fais injustice aux gens, c'est plus grave que le fait que tu te fasses injustice à toi-même concernant les droits d'Allah Azza wa Jal. Le cheikh, il explique cela après. Et il nous dit, لِأَنَّ ظُلْمَ الْإِنسَانِ نَفْسَهُ فِي حَقِّ اللَّهِ تَحْتَ الْمَشِيئَةِ إِذَا كَانَ دُونَ الشِّرْكِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ عَلَيْهِ لَكِنْ حَقَّ الْآدَمِي لَا بُدَّ أَنْ يُوَفَى. Et ensuite, le cheikh, il explique cela, il nous dit, car l'injustice de l'être humain envers lui-même, envers sa propre personne, concernant les droits d'Allah, ceci dépend de la volonté d'Allah. Si la personne ne fait pas de polythéisme, si Allah il veut, il te pardonne. Et s'il veut, il châtie la personne concernant cela. Tu as eu des manquements concernant les droits d'Allah. Si Allah il veut, il te pardonne. Et s'il veut, il te châtie concernant les manquements que tu as eu le concernant. Il dit cependant, en ce qui concerne le droit de l'être humain, alors celui-ci doit être donné de façon impérative. Et c'est pour cela, le cheikh, il continue. « Wa li hadha, qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, man ta'udduna al-muflisa minkum fikum. » Le cheikh, il nous dit, et c'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, « Qui est-ce que vous voyez parmi vous qui est celui qui est ruiné ?» Qui est-ce que vous voyez parmi vous qui est celui qui est ruiné ? قالوا المفلس فينا من لا درهم له من لا درهم عنده ولا متاع. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont répondu à cette question en disant, celui qui est ruiné parmi nous, c'est celui qui n'a pas de dirham, donc il n'a pas d'argent et il n'a pas d'affaires. Il n'a pas de dirham, il n'a pas d'affaires. قال ان المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بِحَسَنَاتِ أَمْثَالِ الْجِبَالِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui est ruiné dans ma communauté, c'est celui qui viendra au jour de la résurrection, يَوْمَ الْقِيَامَ, celui qui viendra au jour de la résurrection avec des bonnes actions, comme des montagnes. Il a beaucoup de bonnes actions. Prière, siyam, jeûne, zakat, il a beaucoup, beaucoup de bonnes actions. Ensuite, le prophète, il continue, il dit, فَيَأْتِي وَقَدْ ظَلَمَ هَذَا وَشَتَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا وَأَخَذَ مَالَ هَذَا. Ensuite, le prophète, il dit, donc cette personne, malgré ses bonnes actions qu'elle a, mais elle a fait injustice à celui-là. Et elle a insulté celle-ci. Elle a frappé celle-là. Et a pris l'argent de un tel. فَيَأْخُذُ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ أَخَذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَتُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ تُرِحَ فِي النَّارِ. Alors cet homme qui a toutes ses bonnes récompenses, mais qui a fait injustice aux gens, il n'a pas donné leurs droits aux gens. Le prophète, il nous dit, alors celui-ci va prendre de ses bonnes actions, et celui-ci va prendre de ses bonnes actions, et un tel va prendre de ses bonnes actions, et un tel va prendre de ses bonnes actions, jusqu'à ce que il n'ait plus de bonnes actions. Lorsque ses bonnes, s'il n'a plus de bonnes actions avant d'avoir rendu ses droits à chacun, s'il n'a plus de bonnes actions, alors qu'est-ce qu'il se passe? Alors il va prendre leurs mauvaises actions. Si lui, il n'a plus de bonnes actions à donner aux gens pour rendre leurs droits au jour de la résurrection, il va prendre leurs mauvaises actions. Elles seront jetées sur lui. Puis, il sera jeté dans le feu. Il sera jeté dans le feu. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le cheikh Ibn al-Uthaymin, il continue. Et il dit, « فَنَصِيحَتِي لِهَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُفَرِّطُونَ فِي حَقِّ أَزْوَاجِهِمْ أن يتقوا الله عز وجل فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالنساء في أكبر مجمع شهده العالم الإسلامي في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في حجة الوداع. Le cheikh il nous dit, alors mon conseil à toutes ces personnes qui négligent les droits de leurs épouses, tous ces hommes qui négligent les droits de leurs épouses, mon conseil pour eux est de craindre Allah Azza wa Jal. De craindre Allah Azza wa Jal, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé la bienfaisance, le bon comportement avec les femmes lors du plus grand rassemblement qu'ait connu le monde musulman durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceci lors du jour de Arafah, lors du pèlerinage d'au revoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, à ce moment-là, il a dit, ittaqullaha fin nisa, fa innakum akhadhtumuhunna bi amanillah, wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, craignez Allah concernant les femmes. Craignez Allah, vous devez obéir à Allah, délaisser ses interdits. Craignez Allah concernant les femmes, car vous les avez prises comme dépôt venant d'Allah. C'est un dépôt que Allah Azzawajal vous a accordé, ses épouses. Tu dois prendre soin de ce dépôt qui t'a été accordé. Tu dois prendre soin de ce dépôt qui t'a été accordé. Ensuite, il continue, sallallahu alayhi wa sallam, وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ. Et certes, leurs parties vous ont été licites par la parole d'Allah. Il vous a été permis d'avoir des rapports avec ses épouses par la parole d'Allah. Certains savants, ils ont expliqué cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant que la parole d'Allah, ce qui est voulu ici, c'est « Ashhadu an la ilaha illallah et ashhadu anna muhammadan rasulullah ». L'attestation que tu fais pour, donc, devenir musulman. Il dit pourquoi ? Parce que tu ne peux pas te marier avec cette femme sans être musulman. Tu ne peux pas te marier avec cette femme musulmane sans être musulman. Et donc, tu t'es marié et donc, cette femme t'a été licite parce que tu as prononcé la parole d'Allah. Alors, crains Allah concernant cette femme. D'autres savants, ils disent, ce qui est voulu par la parole d'Allah, ce sont les versets du Coran. Les versets du Coran dans lesquels Allah Azzawajal cite qu'il est permis aux hommes d'avoir donc des rapports avec leurs épouses. Et donc, certains Cheikh Ibn Uthaymin Rahimahullah, il explique que c'est ça qui est voulu par là. Le fait que Allah Azzawajal, dans plusieurs versets du Coran, il explique que l'homme, il lui est permis d'avoir des rapports avec ses épouses. Et donc, vous vous êtes marié avec ces femmes par la parole d'Allah Azzawajal. Alors craignez Allah concernant ces épouses qui vous ont été confiées. Fin de citation de la parole du Cheikh Ibn al-Uthaymin rahimahullah. Faya ikhwa, alina an nattaqi Allah Azzawajal fi haoula in nisa. Alors, ô mes frères, nous devons craindre Allah Azza wa Jal concernant ces femmes. Wa innama nata'ajjabu min rijalin yasubbuna nisa'ahum bal yakdhifunahun. Et certes, nous sommes choqués d'hommes qui vont insulter leurs épouses. Pire que cela, ils vont les traiter de fornicatrices. Un homme qui traite son épouse de fornicatrice, wali'adhu billah, subhanallah, il insulte sa femme, la traite de prostituée. Il traite sa femme de prostituée. La hawla wa la quwwata illa billah. Yu'amiluha mu'amalatan qasiya. Il se comporte avec elle d'une façon qui est dure. Thumma yadribuha aw yadribu aqaribaha. فَإِذَا طَلَبَتِ الطَّلَاقِ قَالَ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَطْلُبَ الطَّلَاقِ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ شَرْعِي. Et il se peut donc que cette personne va frapper cette femme. Ou alors frapper ses proches. Et si celle-ci demande le divorce, alors il dit, il n'est pas permis à la femme de demander le divorce sans une cause légiférée. Aouzoubillah. Qu'est-ce que c'est que ça? Thumma yastamiru fi zulmihi. Faya'ba talaqaha. Wala yurtiha haqqaha. Fayatrukuha hakadha mu'allaka. Et ensuite, cette personne continue dans son injustice. Il ne veut pas la divorcer et il ne lui donne pas ses droits. Alors il la laisse comme ça, en suspens. Il la laisse comme ça, en suspens. La hiya fi hal al-mutazawwija wa la hiya fi hal al-mutallaqa. Elle n'est pas dans la situation d'une femme mariée et elle n'est pas non plus dans la situation d'une femme divorcée. Une injustice profonde. Une injustice profonde. Nous devons craindre Allah Azza wa Jal concernant ces femmes. Kam ya'tini min hadhihi, kam ta'tini min hadhihi al-as'ila. Comme sont nombreuses les questions qui me viennent de ce genre. Comme sont nombreuses. فالعجيب فالعجيب أن البعض يبحث عن أدلة يستدل بها على جواز الظلم الذي هو واقع فيه. Et ce qui est surprenant, c'est que certains vont essayer de trouver des preuves dans les textes de la législation pour montrer que ce qu'ils font est légiféré. لا يعطي المرأة حقها فلا ينفق عليها مثلا فإذا طلبت حقها سبها ورماها بأنها تحب الدنيا. Il ne donne pas à la femme ses droits. Par exemple, il ne va pas dépenser pour elle. Et si elle demande ses droits, il va l'insulter et dire qu'elle aime la dunya. Tu aimes la dunya, toi, tu aimes l'argent. Parce qu'elle a demandé ses droits. أو يقول إن بعض الصحابة كانت نساؤهم تنفق عليهم. Ou alors il va dire que certains compagnons, leurs épouses dépensaient pour elles. Certains compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leurs épouses dépensaient pour eux. Allahu al-musta'an. Al-an yuridu an yulsiqa as-sahaba bi-dhulmi alladhi huwa fihi. Maintenant, il veut associer les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à l'injustice dans laquelle il est. L'injustice dans laquelle il est, il veut associer les compagnons à cela. Ama alimta anna hadhihi al-mar'a allati kanat tunfiqu 'ala zawjiha kana dhalika min ridaha wa ma kana as-sahaba ridwanullahi 'alayhim yulzimuna nisa'ahum 'ala dhalik. Ne sais-tu pas que cette femme qui dépensait pour son époux, qui dépensait pour ce compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne sais-tu pas qu'elle l'a fait de son plein gré? Et que les compagnons n'ont pas forcé leurs épouses à dépenser pour eux? Ne sais-tu pas cela? ثم هذا الصحابي الذي كانت زوجته تتصدق عليه كان يجتهد في طلب العلم وفي نشر الإسلام وأنت ماذا تفعل جالس في البيت La yataharrak, wallahu al-musta'an. Et ne sais-tu pas que ce compagnon, que sa femme, elle dépensait pour lui, elle lui donnait de ses aumônes. Ne sais-tu pas que celui-ci, il faisait des efforts pour apprendre la religion d'Allah. Il faisait énormément d'efforts pour apprendre la religion d'Allah et pour propager la religion d'Allah. Toi, qu'est-ce que tu fais? Assis à la maison, à attendre que la femme, elle dépense pour toi. Allahu les frères, il faut qu'on se réveille. Là, notre religion a donné des droits aux épouses. Nous devons leur donner leurs droits. Wallahi ya ikhwa, al-amru khatir. Alayna an nattaqi Allah azza wa jal. Par Allah, mes frères, le sujet est terrible. Nous devons craindre Allah Azza wa Jal. والبعض يزيدون على ذلك بأنهم يتركون نساءهم يختلطن بالرجال في العمل قد ينظر إليها الرجال وهو زوجها في البيت. Et certains vont rajouter à cela qu'ils vont laisser leurs épouses au travail se mélanger avec des hommes, avec tout ce que ça peut contenir, etc. Des hommes qui vont regarder sa femme. Ils vont profiter, regarder sa femme. Et lui, il est à la maison. Son mari, il est à la maison. Elle est où la jalousie ? Et si elle demande son droit, il s'énerve. Tadhakkaru mawqifakum bayna yaday Allah. Madha sataf'alun? Rappelez-vous de ce jour durant lequel vous serez devant Allah Azza wa Jal pour être jugé. Qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous dire? Ensuite Allah le Très-Haut qui dit: Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin 'azim. Yawm yaqumu an-nas li rabbil 'alamin. Est-ce que ces gens n'ont pas la certitude qu'ils seront ressuscités pour un jour terrible, le jour durant lequel les gens se tiendront debout devant le Seigneur de l'univers? Aïe, ela yatayaqqan ulaik. C'est-à-dire, donc comme je l'ai traduit, est-ce que ces gens n'ont pas la certitude? Parce que le mot von, qu'on connaît en général dans le sens de penser, et donc certains peuvent traduire en disant: est-ce que ces gens-là ne pensent pas qu'ils seront ressuscités? Est-ce que ces gens ne pensent-ils pas qu'ils seront ressuscités? Ce qui est voulu par là, ce n'est pas le fait de penser, c'est le fait d'avoir la certitude. Le mot dhanna, parfois, dans le Coran, il vient avec le sens de la certitude. Allah Azza wa Jal, il dit: Alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Et donc Allah, il nous dit: ceux qui ont la certitude qu'ils vont rencontrer leur Seigneur. Ceux qui ont la certitude qu'ils vont rencontrer leur Seigneur. Et il a utilisé le mot yadhunnun, que certains vont traduire par penser. Et donc le mot dhanna, parfois il vient dans le sens de la certitude. Et c'est ce qui est voulu dans ce verset ici. فَهَذَا الظُّلْمُ الْوَاقِعَ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَطْلُبُونَ حَقَّهُمْ كَامِلًا وَلَا يُعْتُونَ النَّاسَ حُقُوقَهُمْ كَامِلَةً دَلِيلٌ عَلَى نَقْصٍ فِي إِيمَانِهِمْ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. Et donc on comprend de ce verset que cette injustice dans laquelle sont tombés ces gens qui demandent pleinement leurs droits, mais qui ne donnent pas aux autres leurs droits, cette injustice est une preuve que leur croyance au jour de la résurrection est manquante. Est-ce que cela n'ont pas la certitude qu'ils seront ressuscités? Et donc il y a un manquement ici dans la croyance en la résurrection. Car si tu te rappelles que tu seras devant Allah Azza wa Jal, tu ne fais pas ces injustices aux gens. Et donc il est important que nous travaillions sur ce point, mes frères. وَيَوْمَ يَكُمُ النَّاسِ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ. Le jour où les gens seront debout pour le Seigneur de l'univers. لِيُحَاسِبَهُمْ وَيُجَزِيهِمْ. Et donc ils seront devant leur Seigneur afin qu'il les juge et qu'il les rétribue en fonction de ce qu'ils ont accompli. On se suffit de ça pour aujourd'hui, inshallah ta'ala, et on continue demain pour l'exégèse donc de sourate al-mutaffifin. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.